ce jeudi sur Galaxy. Techno, techno. Galaxy. Greg dit: je commence à en avoir plein le cul de vos guignols. Je te laisse faire ça si tu veux. Non, comme ça au son du lit, ce serait pas raisonnable. Qui c'est celui-là? À la première connerie, je te vire. Qu'est-ce qui se passe encore? Watch out for that. J'aime pas tes manières. Je croyais que tu m'avais demandé de t'aider. Pas comme ça pour demeurer. Greg dit: te v'là et tu vas tout faire foirer. Je sais pas comment, mais j'en suis sûr. Des rigolos comme toi, j'en ai rencontré des tas. Galaxy Electronics.

Vielen Dank für den Antrittsapplaus. Sie wissen, worum es geht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir setzen unsere Serie der wilden Säue fort. Ich begrüße Sie recht förmlich. Meine Damen, liebe Linkswichser, Penicillin-Millionäre, Nuttenkenner, Rockauftrenner, Selbstverbrenner, Sportsfreunde, Spießer, Pharisäer, Miesmacher, nicht Müßmacher, haben noch genau eine Minute Zeit, um den Saal zu verlassen. Sollten Sie nach einer Minute noch hier drin sein, sind Sie selbst in Schuld. Sind Sie eine perfekte Wildsau. Plattenbesitzer haben noch die Möglichkeit, den Tonarm abzuheben. Und Jugendliche unter 18 Jahren haben die Möglichkeit, den Raum zu verlassen. Danke, ich höre den Türknall. Es geht los. Cassettes.

eyes are closed? Now, I want you to just clear your mind. Clear your mind. Okay, now, let's go somewhere we never went before. Let's go! We'll be right back. Swap a 12 inch, swap a 12 inch, swap a 12 inch, swap a 12 inch.

Thank you. there's some hunkers in this motherfucker tonight. Suck on my dick if I buy her a rock. Got the pussy, got the pussy. She got jack, she got jack. Punched her face, punched her face. And I took my money back. I was walking down the street when I met Miss Lula singing. She had a mouthpiece and a nice smooth cooler. She sucked my dick, sucked my dick. Lick my balls, lick my balls. Kiss my ass, kiss my ass. God damn, this bitch can do it all.

Greg dit: je commence à en avoir plein le cul de vos guignols. Je te laisse faire seul si tu veux. Bon, comme ça, au son du lit, ce serait pas raisonnable. Qui c'est celui-là? À la première connerie, je te vire. Qu'est-ce qui se passe encore? Watch out for that. J'aime pas tes manières. Je croyais que tu m'avais demandé de t'aider. Pas comme ça, pauvre demeuré. Greg dit: te v'là et tu vas tout faire foirer. Je sais pas comment, mais j'en suis sûr. Ah. Des rigolos comme toi, j'en ai rencontré des tas. Inertie, au platine sur le 95.3 DJ Ice.